Jazz Time, présenté par Gérard. On revient sans cesse au pianiste Brad Meldo, parce que depuis qu'il est apparu sur la scène jazz et réalisé des albums solo, en trio et en sideman, il est parvenu à proposer aux amateurs de le suivre dans des directions nouvelles, toujours cohérentes, avec une démarche initiale de grand improvisateur, sensible aux apports d'aînés comme Bill Evans ou Keith Jarrett, voire Jean-Sébastien Bach, et aux thèmes composés par des groupes pop-rock comme Radiohead ou les Beatles, soucieux surtout d'affirmer ses choix et ses sources d'inspiration. Brad Meldo se devait donc un jour d'interpréter des pièces de Jean-Sébastien Bach qu'il fait alterner avec ses propres compositions dans l'album qui a pour titre After Bach et qui s'ouvre sur le thème Before Bach. Un album qui constitue un nouveau jalon sur le parcours du pianiste qui est cette année toujours en concert avec son trio formé avec Jeff Ballard batterie et Larry Grenadier contrebasse. Retour donc à l'album After Bach de Brad Meldo, piano solo. Après chaque pièce de Bach, le pianiste propose une improvisation qu'il titre After Bach. Voici donc un prélude tiré du recueil Le clavier bien tempéré, suivi d'une pièce signée Brad Meldo, de compositions et propositions qui sont enchaînées par Brad Meldo. Le pianiste Brad Meldo, piano solo, un extrait de son récent album After Bach. Vous avez pu écouter d'abord un prélude de Bach, suivi d'une composition, une improvisation de Brad Meldo, qu'il intitule After Bach. Autre pianiste familier de la formule du trio et du solo et qui peut se prévaloir d'une grande expérience, c'est Kenny Barron, que l'on a pu voir en concert à NJP 2017 et qui propose cette fois un album en quintette, c'est-à-dire qu'à la rythmique bien rodée qu'il a constituée viennent se joindre le trompettiste Mike Rodriguez et le saxophoniste ténor Dana Stephens. Que ce soit sur la pochette ou sur la galette du CD, l'illustration est conforme au titre de l'album « Concentric Circles ». Et à l'exception de trois titres, toutes les interprétations sont des compositions signées Kenny Barron. L'alliance de deux générations de musiciens, celle du pianiste Kenny Barron et celle de ses partenaires fait merveille. Un groupe qui propose une musique créative mais raisonnée, du jazz quoi. Voici Let's Bop. Thank you. Le quintet du pianiste Kenny Barron, l'album a pour titre Concentric Circles. Le thème que j'avais choisi, c'est Alice Bop, une composition de Lenny White. Et je vous rappelle le nom des deux principaux solistes, Mike Rodriguez à la trompette et au saxophone ténor Dana Stephens. Le saxophoniste Raphaël Imbert, après avoir publié l'album Music is My Home, réalisé en collaboration avec de jeunes musiciens français et des bluesmen du sud des États-Unis, un programme présenté en octobre 2016 à NJP, voici à nouveau Raphaël Imbert avec un album qui a pour titre, cette fois-ci, Music is My Hope. Une démarche entreprise pour retrouver les racines du jazz à partir de sa culture musicale qui est étendue et ses références, influences accumulées le long d'un parcours ambitieux. Dans le livret de l'album « Music is my hope », Raphaël Imbert donne en quelque sorte les clés de sa démarche, je le cite. « Au-delà du blues des origines, j'invoque ici les appels du spiritual, les revendications de la soul et les protest songs, les introspections du folk et les chants populaires qui font œuvre comme commune et collective. » Raphaël Imbert, outre la voix de son saxophone, invite des vocalistes et une rythmique avec clavier, guitare et batterie. Le répertoire est constitué de textes mis en musique, adaptés, arrangés parfois par Raphaël Imbert, avec une implication des vocalistes et musiciens de l'ensemble. La musique est notre espoir, conclut Raphaël Imbert, le chant de l'âme qui aime et qui s'affirme. Voici Here is a Song, qui se veut un hymne à la musique, au chant, au partage, selon Raphaël Imbert. Thank you. Extrait de l'album Music is my hope de Raphaël Imbert. La musique est son espoir. Eh bien, Raphaël Imbert a réalisé la partie musicale tandis que les textes sont signés de Marion Rampal. Je signale à nos auditeurs que Raphaël Imbert est invité à NJP 2018. Il y présentera non pas Music is my hope, mais un projet Bach Coltrane, rapprochant la musique de Bach et le jazz de John Coltrane, une prestation prévue à l'église Saint-Èvre de Nancy. Retour au piano avec tout d'abord un tout jeune musicien découvert alors qu'il n'avait que 8 ans et déjà un talent plein de promesses, même si sa précocité a pu être l'objet de réserves du milieu musical et du jazz en particulier. Aujourd'hui, Joe Alexander, puisqu'il s'agit de lui, va vers sa 15e année. Il a réalisé plusieurs albums, dont un Monk Live en trio, et il propose sous le titre Eclipse un nouvel opus où se manifeste une sensibilité et une profonde maîtrise partagée avec les trois partenaires de son quartet, le saxophoniste Joshua Redman, présent sur trois plages, le contrebassiste Ruben Rogers et le batteur Eric Harlan. On a pu juger sur pièce des qualités de Joel Alexander puisqu'il était sur la scène du Wolfie Jazz Festival le 26 juin dernier, mais là c'était en piano solo, mais une prestation plus que convaincante. Pour l'album Eclipse, allusion à l'éclipse de 2017, Joe Alexander a choisi, en plus de compositions personnelles et de deux compositions de Joshua Redman, de reprendre aussi bien une mélodie de Lennon et McCartney qu'une composition de John Coltrane et une de Bill Evans, affirmant ainsi un éclectisme et une référence à ses aînés. Je vous propose Joe Alexander, donc en quartet, dans Moments Notice, une composition de John Coltrane. Thank you. Moments Notice par le trio et quelquefois le quartet du jeune pianiste Joe Alexander. Je rappelle que ce garçon n'a que 15 ans et là il est accompagné par le contrebassiste Ruben Rogers, le batteur Eric Harlan et sur certaines pages de son album qui a pour titre Eclipse, il en trouve également Joshua Redman au saxophone. Ce musicien est tout à fait surprenant et je vous invite à réfléchir au talent de ce jeune musicien. Le titre du double album du trio de Keith Jarrett que publie ECM est explicite pour ce qui suit pour quelqu'un qui suit un peu le parcours du pianiste. En effet, il s'agit d'un enregistrement de 1998 d'un concert donné aux États-Unis et ce après 2 années d'absence du pianiste suite à de très sérieux problèmes de santé, d'où le titre « After the Fall », car Keith Jarrett avait craint de ne jamais pouvoir revenir sur scène. Le trio avec Gary Peacock contrebasse et Jack DeJohnette batterie est toujours à un niveau d'excellence, tout comme le choix des répertoires avec, bien sûr, quelques standards tels Autumn Leaves. 20 ans après, c'est le titre d'un roman de Dumas et cela pourrait être aussi le titre de l'album de Keith Jarrett. J'ai choisi de ce concert qui constitue l'album After the Wall de 1998, la composition de John Coltrane, Moments Notice, un thème déjà interprété tout à l'heure par le jeune Joe Alexander, et que voici donc par le trio de Keith Jarrett, 2 approches différentes pour un même thème. Le thème Moments Notice de John Coltrane, vous avez reconnu ce thème que j'avais déjà choisi pour une interprétation de Joe Alexander. C'est le trio de Keith Jarrett enregistré en 1998 et que le label ECM ne publie que cette année 2018. L'album a pour titre After the Fall, donc 20 ans plus tard, un trio qui est maintenant dissous. Eh bien renaît, on peut retrouver donc ce magnifique trio dans l'album After the Fall chez ECM du trio de Keith Jarrett. Après Keith Jarrett en trio qui refermait une séquence dédiée au piano, place à des vocalistes aux personnalités bien affirmées. Tout d'abord, Marjolaine Raymond qui se distingue avant d'avoir chanté, témoin le visuel de sa pochette. En effet, l'accoutrement arboré par Marjolaine Raymond au recto, au verso à l'intérieur de la pochette de son album, ne sera peut-être pas la tenue de scène idéale, même si l'inspiration surréaliste affirmée se veut en accord avec les thèmes choisis et se réfère aux différentes palettes artistiques revendiquées par la chanteuse. Le répertoire est constitué de 4 livres reprenant des textes de poétesses comme Emily Dickinson ou Emily Brontë, mis en musique par Marjolaine Raymond elle-même. Les musiciens qui entourent la vocaliste en tête, le violoniste Régis Subi, 3 autres instruments à cordes, une rythmique au piano Bruno Angelini, Olivier Lété à la basse et Christophe Laverne à la batterie, auxquels s'est joint le saxophoniste Denis Guivarche. Une démarche vocale très tendance pour cette vocaliste qui se réclame autant de la musique baroque que du rock progressif. Une expérience à découvrir. C'est maintenant dans Jazz Time. Voici Odyssée de Ted Parker. La voix et la composition de Marjolaine Raymond, le titre « L'Odyssée » de Ted Parker. Voici un autre univers vocal avec cet album présenté comme le dernier réalisé en studio et qui constitue en quelque sorte le testament d'une artiste, Sharon Jones, un album qui a pour titre « Soul of a Woman » qui conclut une carrière de chanteuse bien remplie. Sharon Jones se présente avec une formation baptisée « The Dap Kings » complétée par des invités choristes corps selon les thèmes. Voici donc une invitation « Come and be a winner ». Don't know. So take some time to understand that life is a race for each and every man. Sometimes people would treat you like a worn out shoe, but they don't know that you can't lose. Sharon Jones interprétait Come and Be a Winner, c'est un extrait de son album qui a pour titre Soul of a Woman. Chanteuse ou pianiste, ou les deux à la fois, pourquoi pas, mais Eliane Elias n'a peut-être jamais voulu se partager, plutôt choisir selon le projet qu'elle abordait. Son récent album, sorti en 2018, mais enregistré en 1995, la présente résolument pianiste. Elle s'est intéressée à des thèmes issus de comédies américaines, inspirés de loin de L'Homme de la Mancha de Don Quichotte de Cervantes. Dans ce Music from Man of the Mancha, Eliane Elias se présente donc au piano avec des partenaires de haut niveau, Eddie Gomez ou Mark Johnson à la contrebasse, Jack DeJohnette batterie, Manolo Bradrera à percussion et Satoshi Takeshi à la batterie. Un disque non dépourvu d'attrait dans lequel Eliane Elias exprime tout son talent de pianiste, voici « What Does He Want of Me ?» Thank you. Elian Elias, pianiste, dans un album qui mérite des tours. Je vous donne le nom de cet album, Music from Man of La Mancha, inspiré de Don Quichotte de Cervantes. Et elle est entourée de très très bons musiciens, Jacques Genet batterie, Manolo Barra à percussion, Satoshi Takeshi batterie, et puis Swahidi Gomez, soit Mark Johnson à la contrebasse. Elian Elias. À Jazz Time, on aime bien le blues, mais on ne veut pas empiéter sur le territoire de l'ami Jean-Jacques, l'espace de Nothing But The Blues. Alors, nous lui dédions une des plages de l'album de Fred Chapelier and the Gents, une sérieuse bande de musiciens fidèles aux racines du blues. Dans cet album, Fred Chapelier a décidé de céder la place de chanteur à Dale Blake, choisissant lui de se consacrer à la composition et à les guitares. Voici The Gents de Fred Chapelier. We'll C'est avec Fred Chapelier et Jens que nous refermons ce numéro de Jazz Time. Merci à Quentin qui a assuré la réalisation technique. Je vous retrouve quant à moi dans une semaine pour un autre rendez-vous avec le jazz. Au revoir.